n'ose pas. Dis-lui, trop la regarder. Dis-lui, ah je ne peux pas. Dis-lui, trop la contempler. Dis-lui, je suis amoureux. Dis-lui, de ses doux yeux bleus. Bam, pa, la, la, la. Ah je n'ose pas. Dis-lui, lui faire la cour. Dis-lui, ah je ne veux pas. Dis-lui, lui parler d'amour. Dis-lui, elle m'a rendu fou. Dis-lui, de ses cheveux roux. Bam, pa, la, la, la. Ah oui, je n'ose pas lui dire tout cela. Oh oui, c'est bien stupide de se montrer timide. Oh, je n'ose pas. Dis-lui, lui dire ma chérie. Dis-lui, ah je ne peux pas. Dis-lui, être assez hardi. Dis-lui, je me suis entiché. Dis-lui, de sa bouche d'âne. Bam, bam. Ah, je n'ose pas. Dis-lui, tenter de l'enlacer. Dis-lui, ah je ne peux pas. Dis-lui, risquer de l'embrasser. Dis-lui, oui il m'a bien eu. Dis-lui, son air ingénu. Bam, pa, la, la, la, la. Je n'ose pas lui dire mon émoi. Oui, j'ai perdu la tête pour une simple amourette. Ah, elle n'ose pas, eh oui, lui ouvrir son cœur. Oh oui, ah, il ne veut pas, mais oui, combattre sa peur. Oui, il l'aura voulu. Bah oui, et n'en parlons plus. Tant pis, et n'en parlons plus. Oh, tant pis, et n'en parlons plus. Oh, n'en parlons.